Dès le début, il faut dire que ça ne partait pas très bien. Personne ne croit à sa découverte. Les naturalistes du 19e siècle pensent à un canular. Jamais la nature n'aurait pu produire, pensez-vous, cet animal à corps de mammifère et à bec et palme de canard et qui pond des œufs. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus on en apprend sur l'ornithorynque, plus on est bouche bée. Des scientifiques viennent ainsi de réaliser que son pelage était biofluorescent. Il devient vert, bleu et cyan sous la lumière ultraviolette. D'autres ont découvert dans son lait une protéine antibactérienne très puissante mais au mécanisme totalement inconnu. Quel est donc cet animal unique en son genre? Est-il vraiment un chaînon manquant de l'évolution? Ornithorynque, la palme du bizarre, c'est le programme Vous avez dit bizarre qui est note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour découvrir ce fascinant animal unique en son genre, et je peux vous assurer que vous n'allez pas être déçu du voyage, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Tassy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle. Et Gilles Boeuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, président du centre d'études du biomimétisme et ex-président de cette belle maison qu'est le Muséum national d'histoire naturelle. Elle aussi est unique en son genre et pourtant elle n'a pas de bec, ou du moins pas encore, à ce que je sache. C'est Natacha Triou pour le Journal des sciences du lundi. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature. Des variantes génétiques pourraient expliquer les cas sévères de Covid-19. Oui, ce n'est pas la première étude qui avance la piste génétique pour expliquer les formes graves de la maladie. Cette équipe internationale a analysé le génome de plus de 2200 patients gravement malades et les ont comparés avec d'autres personnes. Il s'agit d'une étude d'association pangénomique, ce qui permet de faire ressortir les traits phénotypiques. Et il en sort que les malades graves du Covid-19 ont 8 séquences génétiques communes, et 2 gènes en particulier, TYK2 et CCR2. Ces deux gènes codent des protéines qui sont impliquées dans la réponse inflammatoire. Par exemple, le gène TYK2 est connu pour être associé aux fameuses tempêtes de cytokines qui peuvent causer la mort. Alors les résultats de cette étude permettent non seulement d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour mieux soigner les cas graves, mais en plus, elle souligne qu'il existe déjà des médicaments autorisés qui agissent sur ces mécanismes. Sur le marché, on trouve des médicaments qui inhibent l'action de la protéine TYK2, notamment ceux qu'on utilise contre la polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire. Il faut à présent mener de grands essais cliniques randomisés afin de mesurer l'efficacité de ces traitements sur les formes sévères de Covid-19. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces études autour du Covid-19, autour des différents sujets du Journal des sciences et bien sûr autour de l'ornithorynque, puisque c'est notre sujet du jour. On les poste sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur notre page sur le site de franceculture.fr. On passe au bref. Une étude parue dans la revue Chemistry of Materials décrit un nouveau matériau capable de stocker l'énergie solaire pendant des mois. Ah, l'énergie renouvelable, c'est bien. Pouvoir la stocker, c'est encore mieux. Une équipe britannique a élaboré un nouveau matériau composite à base de carbone, un MOF. MOF pour Metal Organic Framework. Ce matériau est aussi composé d'azobenzène qui peut absorber la lumière et changer de forme lorsqu'il est soumis à cette lumière. De cette façon, il a stocké de l'énergie solaire pendant au moins 4 mois avant de la relâcher. Et ce, à température ambiante et sans causer de perte pendant le stockage ou lors de la libération de l'énergie. Mais avant de pouvoir chauffer nos maisons l'hiver avec le soleil de l'été, il reste encore beaucoup de travail pour l'exploitation commerciale de ce matériau. Selon une prépublication sur le site Archive, peut-être pourrions-nous détecter des champs magnétiques de l'univers primordial. Il y a les champs magnétiques galactiques aux origines récentes, ceux provoqués par un trou noir par exemple, ou par des explosions stellaires, et les champs magnétiques galactiques qui sont nés au tout début de l'univers, des champs magnétiques primordiaux, qui auraient eu lieu des fractions de secondes après le Big Bang. Des chercheurs anglais ont modélisé leur évolution dans notre Voie lactée. Selon leurs calculs, les champs magnétiques primordiaux semblent survivre dans le temps et pourraient actuellement être beaucoup plus puissants qu'on ne le pense. Alors cela n'a pas encore été validé par les pairs, mais selon ce préprint, l'étude des champs magnétiques autour de la Voie lactée pourrait apporter un nouvel éclairage sur le Big Bang. Et enfin, 50 ans après l'affaire qui avait défrayé la chronique, le FBI confirme que l'écriture cryptée du Zodiac, le célèbre tueur en série, a été déchiffrée. Et en novembre 1969, le tueur en série a envoyé un journal un texte codé, le fameux 340 ciphers, 340 caractères répartis sur 17 colonnes que les enquêteurs n'ont jamais réussi à déchiffrer. Trois passionnés de cryptographie viennent d'y parvenir. Il leur a fallu un 14 ans de travail et plusieurs programmes informatiques. Alors, contrairement à ce que pensait la police, le texte ne contient aucun indice sur l'identité du tueur. C'est surtout un message de vantardise, hein, je le cite. « J'espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de me rattraper. Je n'ai pas peur de la chambre à gaz, car elle m'enverra au paradis. » Apparemment, le système de codage utilisé par le Zodiac apparaissait déjà dans un manuel de cryptographie de l'armée américaine dans les années 50. Merci beaucoup, Natacha. À demain pour le prochain Journal des Sciences. Est-ce un castor? Est-ce un canard? Est-ce un reptile? Ou est-ce tout ça à la fois? Depuis sa découverte à la toute fin du XVIIIe siècle, l'ornithorynque ne cesse de fasciner les naturalistes et les biologistes. Et comme si son apparence n'était pas assez étrange comme ça, plus on l'étudie et plus il déroute les scientifiques. Qu'il s'agisse de son double système d'électro-perception subaquatique, de son ergo venimeux uniquement chez les mâles, du fait que la femelle, malgré la présence de deux ovaires, n'utilise que la gauche, et des cinq paires de chromosomes sexuels également, de cette protéine également puissamment antibactérienne présente dans le lait maternel ou encore plus récemment de la biofluorescence de sa fourrure, n'en jetez plus. Impossible de ne pas se passionner pour l'ornithorynque. Écoutez la description qu'en fait le biologiste Jean Rostand, nous sommes en 1958. C'est un animal, comme on l'a appelé, paradoxal. D'ailleurs, on l'appelle l'ornithorynque paradoxal. Il est en effet assez paradoxal qu'un mammifère ponde des œufs. Mais il est intéressant surtout pour le transformiste, pour le savant transformiste, car il nous montre une sorte d'intermédiaire, si vous voulez, entre les mammifères et les oiseaux. Ce n'est pas un véritable intermédiaire, mais il est quand même très intéressant de voir un mammifère qui pond des œufs, car il est certain que nous dérivons, que l'homme dérive d'animaux qui pondaient des œufs. Et cela se voit même dans le développement de l'œuf animal. L'œuf humain a beau être tout petit, il se développe, malgré sa toute petite taille, comme s'il était gros. C'est une question d'embryologie qui serait assez difficile à préciser, mais enfin, il est certain que l'homme dérive d'un animal ovipare. Et il est intéressant, justement, de voir qu'il y a des mammifères ovipares. Un animal paradoxal, nous dit Jean Rostand en 1958. Pascal Tassi, qu'est-ce que vous pensez de cette description? Cette description a un petit peu vieilli dans la mesure où on hésite maintenant à parler de l'intermédiaire. Mais effectivement, il est toujours fascinant. Mais en réalité, l'ornithorynque permet d'expliquer parfaitement la théorie de l'évolution biologique par l'association de ces caractères. On retracera un peu, hein, évidemment, le parcours phylogénétique de cet animal pour essayer de comprendre d'où il vient et justement comment il nous renseigne sur l'évolution. Gilles Boeuf, quel est votre sentiment vis-à-vis de cette description qu'en fait Jean Rostand? Oh ben, c'est un petit peu amusant. Puis il oublie qu'il y a des œufs tout petits qui se développent très bien. Hein. Les œufs de poisson sont extrêmement petits. Ils se développent parfaitement. Non, il faudrait commencer en disant en fait que déjà son nom est curieux. Mmh. Ornitho, c'est oiseau, on sait bien l'ornithologie. Et rhynco, c'est le bec. Donc bec d'oiseau, c'est un peu curieux. Moi qui travaille longtemps sur les saumons, eux, ils s'appellent onco-rhyncus. Vous voyez, bec crochu. Voilà, c'est le bec d'oiseau. C'est vrai que cet animal est quand même tout à fait étonnant. Hein. Il a bec de canard, une mâchoire cornée. C'est une créature qui paraît vraiment étrange. Hein. Il vit dans l'eau, il vit un petit peu sur terre, il est plutôt solitaire que territorial. Il a une grosse queue poilue dont on sait maintenant que c'est une réserve de graisse extraordinaire. C'est vraiment une énigme. Hein. Les pattes avant palmées, un éperon venimeux chez la femelle qui régresse très vite mais qui reste chez le mâle sur les deux pattes en permanence utile. Donc, il se déplace de façon étrange. Vous avez abordé cette histoire du champ électrique. C'est un animal assez fascinant et très curieux et qui mérite effectivement de s'intéresser plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr, et plus que de le regarder, vous allez le voir et on va le comprendre au cours de cette heure, bien plus que de le regarder comme une simple bizarrerie de la nature. C'est effectivement un animal tout à fait fascinant. On va prendre point par point tout ce que vous venez de décrire, Gilles Boeuf, et comprendre exactement de quoi il retourne. Mais c'est vrai qu'on en parle souvent, en tout cas dans l'expression commune, comme d'un fossile vivant ou d'un chaînon manquant. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des appellations qu'on peut laisser de côté ou non, Pascal Tassi? On peut les laisser de côté ou alors il faut les utiliser avec un petit peu d'humour. Darwin lui-même, il prend l'ornithorynque comme exemple d'un fossile vivant en disant que c'est une formule amusante, dans la mesure où, en fait, l'ornithorynque, c'est une branche ancienne de l'évolution des mammifères. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il pond encore des œufs, comme le font les vertébrés en général, et puis et les oiseaux, et ce qu'on appelle les reptiles aussi. Et donc les premiers mammifères, avant de devenir, si vous voulez, 100% mammifères, eh bien, pondaient encore des œufs. C'est plutôt cette appellation chaînon manquant qui aujourd'hui est complètement périmée en quelque sorte, Gilles Boeuf. Ça n'a pas de sens aujourd'hui dans la conception buissonnante que l'on a de l'évolution d'imaginer qu'une espèce vivante puisse être un chaînon manquant entre deux autres. Oui, complètement pour moi. Hein. C'est comme fossile vivant, on en a souvent parlé avec Pascal et d'autres muséums. C'est pas un terme qui est adéquat. Un fossile vivant, vous vous rappelez, c'est de Sélacante dans les années 30. Et puis le chaînon manquant, en fait, ça correspond à une image que l'humain s'est fait d'une évolution linéaire, en fait. Hein. On passe de forme en forme. Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut oublier ces notions-là. Par contre, l'émerveillement de Rostand tout à l'heure, je le comprends. Hein. C'est tellement, je dirais, insolite, voilà, par rapport à ce qu'on connaît. 5400 mammifères et puis les monotrèmes, auxquels appartiennent les échidnés et puis notre ornithorynque, ils pondent des œufs à l'extérieur. Parce que, en fait, les mammifères pondent des œufs à l'intérieur. Hein. On l'a un petit peu oublié. Un œuf fécondé, le zygote fécondé, quand le spermatozoïde du mâle rentre dans l'ovocyte, il va s'implanter dans la muqueuse utérine et puis il s'installe. Hein. Mais c'est vrai que c'est très curieux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on regarde de très près. Alors, en plus que maintenant, avec les méthodes modernes que vous évoquiez tout à l'heure, on découvre de nouveaux faits scientifiques, c'est vraiment extrêmement intéressant, il faut qu'on s'y penche. Hein. On va voir insolite, je trouve que l'adjectif est bien choisi. On va donc s'intéresser tout au long de cette heure à cet insolite animal qu'est l'ornithorynque. Et vous allez voir vraiment, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h12, nous parlons donc de l'ornithorynque tout au long de cette heure en compagnie de Pascal Tassy et Gilles Boeuf. Comme je le disais dans l'introduction, Pascal Tassy, ça part pas très bien pour l'ornithorynque parce que au moment de sa découverte que vous allez nous raconter, en fait, on croit simplement à un canular, que ça n'existe pas, que ça a été construit de toutes pièces. Oui, on pense que c'est une chimère qui vient d'Australie et qui est une fabrication parce que finalement, on ramène une peau et un bec. Alors le bec, en fait, il n'est pas rigide chez le vivant. C'est en fait une peau souple qui enveloppe le museau de l'ornithorynque, mais une fois séché, il prend la consistance d'un bec, d'où l'évocation du bec de canard. Et donc cette association est très très bizarre, et en fait, plus les caractères des ornithorynques tels qu'ils sont vus en Australie et tels qu'on les rapporte en Europe s'accumulent, et plus les scientifiques sont perplexes. Parce que, les poils, par définition, et ça, on le sait depuis les débuts de la classification, c'est propre à ce qu'on appelle les mammifères, mais pas un bec de canard, même si le bec de canard, c'est plus une métaphore qu'une description. Et ensuite, quand on parle de la ponte de l'ornithorynque, d'une part, et qu'il allaite ses petits, d'autre part, là, les systématiciens du début du 19e siècle s'agressent verbalement et par écrit avec violence parce que c'est contradictoire avec les principes de fixité des caractères. Un mammifère, par définition, ne pond pas des œufs. Ce qui est passionnant d'ailleurs dans cette histoire, Pascal Tassy, c'est qu'effectivement, ça va être un vrai débat qui va se poursuivre assez longtemps, tout au long du 19e siècle, et qui va de facto fixer un peu, alors j'utilise le mot fixer à escient, bien les deux courants de la pensée naturaliste, de l'évolution de la pensée, là aussi j'utilise évolution à dessein, de l'évolution de la pensée naturaliste au 19e siècle. Oui, une fois qu'on a admis péniblement qu'un être vivant est composé d'organes qui sont à des niveaux d'évolution différents selon les circonstances, comme dirait Lamarck, ou selon les pressions de sélection, comme dirait Darwin, eh bien, on explique parfaitement bien la nature des monotrèmes, c'est-à-dire des ornithorynques et des échidnés. Mais ça a été très difficile tout du long, parce que les pétitions de principe héritées d'une vision fixiste de la vie étaient très très fortes. Mmh. Gilles Boeuf, sur justement la controverse de l'ornithorynque, si on pouvait l'appeler comme ça. Ah oui, c'était fantastique. Je suis Pascal. Quand on leur ramène une peau qui rappelle une grosse taupe, et puis il y a ce bec corné qui est adurci. Oui, Pascal a dit, c'est une chimère. Hein, quelqu'un a bricolé quelque chose. Hein, on revient à Bellérophon, là, en Grèce. Mais il faut voir un petit peu quand il a été découvert. D'abord, l'oviparité par les scientifiques, elle a été admise que très, très récemment. Hein, c'est en 1884. Parce qu'on le connaissait. Les aborigènes connaissaient depuis longtemps. Il a des noms aborigènes, l'ornithorynque. Hein, et puis, les gens le bouffaient. Il a été chassé, en fait. Hein. Et puis la fourrure était utilisée. Mmh. Pendant une longue période du 19e siècle, on le chassait pour sa fourrure. Hein. Il y avait un peu de loutre. Et puis, on le chassait pour n'importe quoi, comme faisait l'humain. Rappelez-vous la controverse sur les manchots, hein, pendant très longtemps. Vous savez que les manchots, avant que ce soit admis qu'ils étaient des oiseaux, on les écrabouillait dans des machines pour y faire de la graisse pour les baleiniers. Hein. C'est un peu la même histoire pour l'ornithorynque. En plus, il venait de très loin. Hein. Moi, je me rappelle aussi quand vous lisez à Londres les travaux de Wallace avec les premiers papillons ornithoptères, là, ailes d'oiseaux, qui arrivaient à Londres. Personne n'imaginait qu'il y avait des papillons comme ça. Hein. Donc, il fallait aller sur place puis se rendre compte de ce que c'était. Mais c'est vraiment intéressant, effectivement. Oui. Je crois que Georges Shaw, le naturaliste, à qui on doit d'ailleurs la première description au tout début du 19e siècle, est tellement convaincu qu'il s'agit d'un canular qu'il va passer son temps, puisque les premiers spécimens que l'on ramène, ce sont pas des spécimens vivants, ce sont des peaux avec des poils et un bec qui a séché, comme vous le disiez, Pierre Tassi, qui va aller chez Georges Shaw, il va aller chercher des coutures, il va vraiment essayer de disséquer cette fourrure en se disant c'est pas possible, on se fout de moi. Écoutez, lui, comme tous les autres, se sont accrochés pendant des décennies à leurs idées initiales. C'est assez fascinant de voir comment les grands esprits, les grands naturalistes du siècle, se sont vraiment fixés sur leur point de vue et ne voulaient pas en démordre malgré l'accumulation des données. Alors finalement, le plus ouvert de tous les scientifiques du XIXe siècle, on peut dire, c'est Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé le terme de monotrème, qui veut dire un seul orifice, c'est-à-dire un orifice génito-urinaire unique, comme chez un lézard, par exemple. Et alors lui, tout en étant réticent sur l'association de la lactation et des œufs, finalement, l'admet et reconnaît que le groupe des monotrèmes, et notamment l'ornithorynque, sont des êtres tout à fait singuliers. Et donc, c'est ensuite autour des vrais évolutionnistes, même si Geoffroy en est un précurseur, de fixer les idées concernant la nature singulière, mais tout à fait explicable, de l'ornithorynque. Le grand public va découvrir cet ornithorynque au début du XXe siècle, en 1939 exactement, via un numéro de National Geographic, qui explique et qui montre que cet animal très étrange, notamment, est extrêmement difficile à maintenir en captivité, Gilles Boeuf. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'essais qui ont été faits. Hein. Alors, des gens ont réussi. Il y a eu des Australiens qui ont réussi à avoir la reproduction en captivité, mais c'est vraiment anecdotique. Il a été transporté à Perth, hein, donc on est vraiment dans la partie complètement ouest de l'Australie. Il y a un couple qui a vécu là-bas, mais il s'est pas reproduit. Il y en a qui ont été donnés en 1947. Les Américains avaient obtenu une licence, le droit d'en emmener aux États-Unis. Ils en ont eu aux œufs de New York pendant un certain temps, mais sans reproduction. Et là, il y a quelqu'un qui a réussi une reproduction, mais c'est vraiment anecdotique. Et puis, aujourd'hui, la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut le déplacer de sa zone actuelle? Parce qu'il est quand même très, très, très bien localisé. Hein. C'est vraiment la partie complètement est de l'Australie, hein. Le sud, l'est de l'Australie et la Tasmanie. Et moi, je l'ai vu là-bas. J'étais très heureux. La première fois, en plein hiver australien, en août, j'en ai vu en Tasmanie. D'ailleurs, il y en avait pas mal. Hein. Il y en avait qui nageaient. Ils ont leur activité hivernale et estivale dans ces rivières. Hein. Et ils vivent dans ces terriers qui sont terrestres. Et puis, ils nagent. Et ce sont des carnivores stricts. Hein. Alors, c'est intéressant, une anecdote d'ailleurs sur l'ornithorynque, parce que moi, vous savez, je m'intéresse beaucoup aux salmonidés. Mm-hmm. Et ils ont été introduits en Australie à peu près à l'époque où on admettait que l'ornithorynque pondait des œufs, ces truites. Les œufs arrivaient de Grande-Bretagne, vous imaginez le travail, hein, et ils éclosaient, mais quelques jours après l'arrivée du bateau en Tasmanie ou en Australie, parce que ces œufs ne supportent absolument pas l'eau salée, comme d'ailleurs l'ornithorynque. Hein. Il est vraiment qu'en eau douce. Il ne peut pas aller en zone estuarienne ou en zone marine. Il ne supporte pas du tout l'eau salée. Et les truites qui ont été relâchées, bah, ça a posé un problème. Parce que qu'est-ce que mangent les truites? Des invertébrés bathyques du fond de la rivière. Et c'est exactement ce que mange d'ailleurs notre ornithorynque. Et on a cru à un moment que ça pouvait créer une compétition délétère. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'ils se répartissaient assez bien les proies. Hein. Ce qu'ils adorent sont les trichoptères, hein, les frigates, les portefaix, puis ils mangent aussi des écrevisses aussi. Mmh. Alors, si on s'interroge un peu justement sur la phylogénétique, on l'a dit, c'est, les ornithorynques font partie de la famille des monotrèmes qui comprennent également les échidnés. Mais comment ça se répartit historiquement, c'est-à-dire à partir de quel embranchement ça se sépare avec les mammifères? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tableau justement phylogénétique, Pascal Tassi? Écoutez, si l'on prend les mammifères actuels, donc vous avez les monotrèmes d'un côté, les marsupiaux et les placentaires de l'autre. Bon, les marsupiaux, ce sont les sarigues, les kangourous, et les placentaires, c'est vous et moi, les chiens, les chats, les éléphants. Mm-hmm. Donc, la séparation de ces trois grands groupes se fait certainement aux alentours de 200 à 160 millions d'années. Donc, c'est une très très vieille histoire. Mm-hmm. Les monotrèmes à l'état fossile, enfin... probablement plus les ornithorynques, c'est à partir du Crétacé, une centaine de millions d'années. Donc, c'est une lignée qui, sur 100 millions d'années, persiste jusqu'à aujourd'hui, mais uniquement en Australie pour les actuels, et pour ce qui est des fossiles, qui sont extrêmement rares, on en a trouvé en Australie, en Amérique et en Amérique du Sud. L'ornithorynque, avec sa mâchoire évasée et son fameux bec dit de canard, lui, il est connu par des crânes très bien conservés depuis 20 millions d'années. Et, par chance, ces crânes fossiles d'ornithorynque ont encore des dents fonctionnelles. Oui. Ça, c'est très important, parce que chez les actuels, les dents se forment chez l'embryon, le nouveau-né, mais elles ne percent pas et elles se résorbent. Et grâce à ces dents extrêmement vestigiales, on a pu interpréter une mâchoire qui a 60 millions d'années et qui est considérée comme un ornithorynque avec des dents fonctionnelles. Donc on a une connaissance très partielle de l'histoire en termes d'archives paléontologiques. Et alors, pour compliquer l'affaire, il faut rajouter un groupe aux affinités controversées, mais en tant que paléontologue, je ne peux pas ne pas vous en parler, mais ça ne dure pas longtemps. Ce sont les Australosphénidiens, c'est-à-dire des êtres qui vivent dans le sud, qu'on a trouvé à Madagascar, en Argentine, aux alentours de 160-120 millions d'années, Jurassique supérieur, Crétacé, pour les géologues. Donc certains font des parents, un groupe apparenté aux monotrèmes modernes avec des problèmes d'évolution compliqués, mais ces êtres ne sont connus que par des dents et des fragments de mâchoire, donc c'est trois fois rien. Donc on a tout à apprendre de l'histoire de ce groupe sur presque 200 millions d'années. Et ce groupe auquel vous faites référence, Pascal Tassi, c'est un groupe qui aurait donc évolué à partir de la branche des monotrèmes, donc après la séparation avec les placentaires et l'autre branche qui m'échappe là tout de suite, mais et les marsupiaux, pardon. Non, il y aurait une première branche qui aurait d'un côté les monotrèmes et les australosphénidiens, et de l'autre les marsupiaux et les placentaires. D'accord. Et ensuite, les marsupiaux et les placentaires se différencient pendant que les monotrèmes continuent leur vie et que le groupe des australosphénidiens, lui, s'éteint il y a quelque chose comme 100 millions d'années à partir des archives fossiles que nous avons, qui sont très pauvres. Et alors du coup, aujourd'hui, il nous en reste donc ces ornithorynques, mais qui sont les seuls de leur espèce, et les échidnés, dont il y a trois espèces différentes. Vous pouvez nous rappeler exactement ce que c'est, Gilles Boeuf, des échidnés? Ce sont des animaux, là aussi, relativement étranges, qu'on ne voit pas sous nos latitudes. Moi, j'en ai croisé également en Tasmanie, quand j'ai eu la chance de partir en Australie. La première fois que j'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est un hérisson. Et ben, pas du tout. Ah oui. Les piquants sont différents. Ils ont une trompe, ils sont assez ronds de forme, avec ces piquants qui sont hérissés sur le dos. Il y a quatre espèces d'échidnés connues aujourd'hui. Par contre, il y a un seul ornithorynque. Pour revenir au monotrème, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que faut voir un petit peu cet orifice unique. Hein. Ils ont un cloaque comme chez les oiseaux, mais chez le mâle, l'urètre est complètement séparé de la fonction urinaire, et les testicules sont à l'intérieur, ils ne sont pas à l'extérieur. Chez la femelle, on l'a dit, il n'y a que l'ovaire gauche qui fonctionne, alors que chez les échidnés, ils marchent le droit et le gauche. Mmh. Et comme chez tous les monotrèmes, les deux uretères, la vessie, les deux utérus de la femelle débouchent dans le même sinus ou des bouches aussi, bien sûr, le tube digestif. Ça, c'est fantastique comme système, quand même. Et alors, cette histoire d'ovaire unique qui fonctionne, l'ovaire gauche, on a une explication possible à donner. C'est une anomalie. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette latéralité? Bon, je n'appelle jamais ça anomalie. Hein. Non, bien sûr. Il s'est fait que c'est le gauche qui marche. On aurait pu être le droit. Hein. Mais vous savez, en fait, il y a plein de... Regardez, par exemple, beaucoup de serpents. Hein, ils n'ont qu'un poumon. Hein, parce que deux poumons, il n'y a pas beaucoup de place pour les mettre. Donc, c'est vrai qu'au cours de l'évolution, puis, en plus, quand on change de la respiration aquatique, il faut voir que si je prends un volume d'eau en équilibre avec l'air, c'est important à le dire, ça, en évolution. Hein, un volume d'eau de mer, c'est encore un petit peu point. Si je prends un volume d'eau de mer en équilibre avec l'air, il contient 40 fois moins d'oxygène. Donc effectivement, quand la vie sort du milieu aquatique, parce qu'on a regardé les besoins en oxygène, c'est les mêmes chez les animaux qui respirent dans l'eau et qui respirent hors de l'eau. Donc sortir de l'eau, c'est magnifique. On peut faire une frénésie de consommation d'oxygène. Donc tout ça évolue avec le temps. Alors pourquoi le gauche? Chez les échidnés, par contre, les deux sont fonctionnels, par contre, hein, les ovaires, chez les femelles d'échidnés. Un mot peut-être, Pascal Tassi, pour décrire un peu, parce que on a tous évidemment la physionomie générale de l'ornithorynque en tête, mais est-ce que vous pourriez nous faire une sorte de petite description générique de ce à quoi ressemblent les ornithorynques, c'est-à-dire j'ai envie de dire nom, prénom, âge, qualité, mais plutôt quelle taille, quelle forme, quelle spécificité, quelle répartition géographique, un peu comme ça, un tour d'horizon global de la physionomie de l'espèce. Écoutez, un ornithorynque, c'est un petit animal sympathique, il fait une quarantaine de centimètres, les plus lourds des mâles font 2 kilos. Donc, vous voyez, oui, donc c'est pas très gros. C'est un animal discret et qui vit effectivement, comme le disait Gilles Boeuf tout à l'heure, dans un milieu aquatique, d'eau douce, il vit surtout la nuit, il vit aussi dans des terriers, donc il a vraiment un environnement extrêmement spécifique. Qui fait que effectivement on peut passer du temps dans là où il vit sans le voir. Mmh. Alors pour ce qui est de ces caractéristiques dont on a beaucoup parlé déjà, il faut donc bien savoir que on insiste là sur ces caractères singuliers par rapport toujours au placentaire puisque nous en faisons partie. Et que dans le temps, on se situe au sommet de l'évolution, ce qui est une erreur de présenter des choses comme ça. Mais lui a évolué pour vivre dans ce milieu, comme les échidnés, qui aussi sont très très particuliers. Là, ils n'ont pas de fourrure, ils ont une fourrure, mais qui est pour certains les poils transformés en piquant. En épineux. Ils ont un bec très allongé, enfin un museau, pardon, très allongé, très mince, parce qu'ils ont un mode de vie de fourmilier, ce qui entraîne donc des transformations morphologiques singulières. Donc c'est des animaux qui ne sont effectivement pas restés tels qu'ils étaient il y a 150 millions d'années et tels que l'étaient les mammifères en général. Ils ont aussi leur propre caractère et il faut insister sur cet aspect que les deux partagent. Dans le museau, les ornithorynques comme les échidnés ont des systèmes d'électro-réception. Oui, on va qui sont extraordinaires. Rien que ça, on montre que c'est des animaux particuliers parce qu'on connaît ces systèmes chez des formes aquatiques, y compris très très anciennes comme les requins, mais elles sont construites totalement différemment. On va y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission parce que c'est un des traits peut-être les plus invraisemblables, les plus surprenants et les plus fascinants. J'ai oublié de vous poser une question, Pascal Tassi. Pourquoi platypus en anglais alors qu'on a ornithorynque qui s'est développé dans beaucoup d'autres langues? Ah, écoutez, là, vous me posez une colle. Peut-être on a toujours utilisé, effectivement, en anglais, ce nom vernaculaire de platypus, mais qui n'est pas un terme scientifique reconnu. Alors, pourquoi on l'a appelé le platypus? Gilles Boeuf, vous avez une réponse à cette question? Gilles, c'est peut-être. J'ai trouvé en fouillant un petit peu, c'est parce qu'il était synonyme avec un insecte, platypus, et c'était dit, finalement... on va lui donner un nom différent. Mais bon, vous savez, c'est les histoires de noms qui sont donnés avant d'autres et qui permettent de remettre ça dans le système. En anglais, ils disent platypus. C'est ça. Mais nous, c'est l'ornithorynque, bien sûr. Platypus le bec, pour... Le bec, pour... C'est ça, platypus pour pied plat, puisque platypus, voilà, l'étymologie latine. Mais c'est un coléoptère, voilà. C'est ça, c'était attribué à un coléoptère et c'est pour ça que le nom a été changé. C'était antérieur à l'ornithorynque. C'est ça, absolument. Et ni le coléoptère, ni l'ornithorynque n'ont les pieds plats. Hein. ni l'un ni l'autre par ailleurs. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a défini un certain nombre de traits qui sont plutôt du côté mammifère. Hein, le fait que la fourrure, le fait que ce soit un animal homéotherme aussi, on ne l'a pas précisé, mais on peut le dire, hein, avec une température à 31-32 degrés, et je parle comme d'habitude sous votre contrôle. Et on a de l'autre côté tout de même des traits qui sont pour le coup des traits reptiliens, Pascal Tassi, comme les os surnuméraires dans la ceinture scapulaire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors écoutez, ces os ne sont pas reptiliens. Ça, c'est la façon que nous avons toujours de nous exprimer. Mmh. En fait, ce sont des structures d'amniotes. Les amniotes, ce sont tous les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Donc, ce sont des traits qui sont primitifs, non transformés, si vous préférez. Et ces caractères qui sont transformés chez les marsupiaux et chez les placentaires ne le sont pas chez les monotrèmes. Mais dire qu'ils sont reptiliens, ça évoque un lien avec certains reptiles. Les premiers mammifères ont ces caractères-là dans les archives paléontologiques. Et si on remonte la lignée mammalienne aussi loin qu'on peut la remonter avec des restes fossiles, on peut aller jusqu'au carbonifère. Et les animaux qui ne sont pas encore, si vous voulez, totalement mammaliens, on les appelle des reptiles mammaliens. On les appelait des reptiles mammaliens parce qu'en fait, ce sont des amniotes qui ont les premiers caractères de mammifères. Ils ne les ont pas tous parce que l'évolution ne se fait pas d'un coup pour tous les organes. Et on traîne depuis un siècle cette manière de décrire les caractères non placentaires des mammifères comme étant reptiliens. Et ça, non, c'est une simplification abusive. Alors, pour ne pas me refaire taper sur les doigts, je vais parler de traits ancestraux, si vous voulez. Est-ce que ça vous convient? Ok, d'accord. En traits ancestraux, qui en tout cas ont disparu chez les mammaliens, il y a également les pattes qui sont situées le long du corps et qui ne sont pas perpendiculaires. Et c'est l'une des spécificités, justement, de ces monotrèmes, Pascal Tassi. Oui, c'est une spécificité des premiers mammifères, voilà. y compris les premiers marsupiaux, les premiers placentaires. Ils n'ont pas une vélocité qu'ont les plus évolués de chacun des deux groupes. Gilles Boeuf, sur justement cette disposition des membres que l'on retrouve, on parle de traits reptiliens parce que, pour comprendre la raison pour laquelle on évoque ces traits reptiliens, c'est parce que ce sont des traits qu'on retrouve notamment bien chez les reptiles, et notamment on pense aux crocodiles qui ont cette même organisation des membres antérieurs et postérieurs par rapport à la colonne vertébrale, contrairement au reste des mammifères. Oui, ce qu'on peut dire aujourd'hui, en fait, en dehors de l'aspect anatomique, c'est... Ils se déplacent à terre pas très bien. Effectivement, il ressemble à un reptile quand il se déplace à terre, alors qu'il est fabuleusement aquatique. Il sait tout faire dans l'eau, il sait plonger. Lorsqu'il se déplace à terre, il est très particulier. Parce que, d'abord, c'est un animal curieux. Il a les pattes antérieures qui sont palmées aussi, à la différence des loutres ou des mammifères aquatiques classiques que l'on connaît bien. Il s'en sert beaucoup, ses pattes. Hein. En permanence, il a des grosses palmes avec ceci. La queue sert de gouvernail. Donc c'est vrai que dans certains types de déplacements, on pourrait dire oui, à terre, il ressemble, mais bon, c'est assez différent. C'est vraiment un mammifère par beaucoup d'aspects, je crois. Il a l'aide de ses petits, tout à l'heure on ne l'a pas dit, mais il a les mamelles sont peu développées. Mais On va y venir. Je vous retiens sur l'allaitement, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à raconter. Ce qu'il faut dire quand même, moi, ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est qu'il bouffe tout le temps, ce truc. il passe mais 10 heures par jour plus à manger, parce qu'il mange entre 20 et 50% de sa masse corporelle par jour. Imaginez ça chez des... Il est carnivore, parce que ça, on peut le comprendre chez un herbivore, un éléphant, il bouffe une vache aussi, mais chez les carnivores, c'est pas du tout le cas. Et tout à l'heure, vous avez parlé de thermorégulation, moi, ça m'intéresse beaucoup, c'était un des domaines que j'aime beaucoup en physiologie. Il vit quand même en Tasmanie, dans des eaux qui sont proches de la glace l'hiver. Hein. Ce qui veut dire qu'il a plusieurs semaines d'eau extrêmement froide. Et vous l'avez dit, il faut qu'il maintienne une température corporelle à 32. Donc, il dépense une énergie démente par l'alimentation, pour pouvoir faire sa thermorégulation. Et ça, on revient, Pascal l'évoquait tout à l'heure, sur les prémices, effectivement, ces questions de thermorégulation, chez les reptiles au début, bien sûr, hein, et puis après, bien sûr, chez les oiseaux et chez les mammifères. Et vous parlez des crocodiliens tout à l'heure, il y a peu de crocodiliens qui savent faire ça. Les alligators savent bien le faire. On a des alligators, autant en Chine qu'en Amérique du Nord, capables de vivre dans une eau à zéro degré, hein. Donc c'est quand même très particulier. Mais ça lui demande effectivement de s'alimenter en permanence. Alors lorsque la faune aquatique est plus faible l'hiver, hein, il y a moins d'insectes, c'est pas l'époque de la reproduction, il a quelques semaines un peu difficiles, et il fait des réserves sur lesquelles il vivra pendant les quelques semaines difficiles de la fin de l'hiver. Les réserves chez l'ornithorynque étant les réserves de gras situées dans la queue, dans cette fameuse queue plate qui ressemble à une queue de castor. Entre autres, oui. Entre autres. On va continuer à parler de ces ornithorynques. Vous allez voir, on va parler bien justement des cycles de reproduction, de cette question d'allaitement. Vous allez voir qui est assez surprenante. On va parler la thermorégulation. J'en profite pour vous dire que c'est effectivement quelque chose d'assez passionnant auquel on consacrera en début d'année prochaine certainement une émission entière. Mais on va continuer avant toute chose à découvrir cette insolite ornithorynque. Et vous allez voir, il y a encore quelques jolies surprises. Du groupe Shelter, qui est un single qui vient de sortir vendredi. Voilà, on est vraiment au taquet de l'actualité musicale, toujours en soutien à la scène musicale française indépendante en ces périodes compliquées pour le secteur culturel. Nous parlons des ornithorynques tout au long de cette heure en compagnie de Pascal Tassy, qui est paléontologue, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Gilles Boeuf, biologiste et président du Centre d'études du biomimétisme. Alors, on va parler dans un instant des méthodes d'études, justement, de ces ornithorynques et des échidnés, de ces monotrèmes. Mais peut-être un mot, Gilles Boeuf, sur cette étude toute récente que j'évoquais au début, sur la nature biofluorescente du pelage des ornithorynques. Ça aussi, c'est assez singulier. Oui, ça m'a beaucoup plu. Je vais raconter une histoire qui n'évoque pas dans le papier, mais il y a quelques années, je me rappelle, Pascal doit s'en souvenir aussi, ça fait quand même une vingtaine d'années, des géologues qui faisaient des prospections pétrolières dans le Sahara, baladaient effectivement une lampe UV, et ça s'utilise parce que les huiles sont fluorescentes, hein. Et puis tout d'un coup, ils voient une tache d'huile qui se balade. Et on découvrait comme ça que les scorpions émettaient effectivement, étaient fluorescents dans la lumière ultraviolette. Et on s'est rendu compte qu'un tas de cuticules ou de carapaces d'arthropodes sont fluorescents. Et je me demande finalement si ça n'a pas été au cours de l'évolution quelque chose qui serait à regarder au niveau d'une capacité d'un animal qui est là depuis extrêmement longtemps de résister aux radiations diverses et variées qu'ils ont subies au cours des temps. Parce que beaucoup des arthropodes qui sont très anciens, je pense aux limules par exemple, les scorpions qu'on évoquait tout à l'heure, sont effectivement fluorescents. Je me dis, ça sera à regarder comme ils sont extrêmement anciens, Pascal l'a précisé tout à l'heure, s'il n'y a pas quelque part à voir une relation avec une capacité à supporter des radiations un petit peu différentes des autres. Mais en tout cas, c'est tout à fait intéressant parce que ça m'a rappelé, vous rappelez, il y a quelque temps quand les chercheurs ont bricolé des poissons et les ont rendus comme ça lumineux dans tous les sens, avec des longueurs d'onde qui renvoyaient des luminescences très particulières. Mais ça sera à regarder. Mais c'est effectivement un fait très particulier, c'est pas connu chez les mammifères, bien sûr. Alors on en trouve chez certains écureuils volants, récemment chez les wombats. Peut-être un mot, Pascal Dassis, sur les hypothèses autour de l'intérêt ou l'avantage évolutif que cela peut accorder pour que ça se conserve comme ça au fil des millénaires. Alors écoutez, là c'est un vrai problème. On se pose c'est une la vraie question. Question de... ouais. Si c'est conservé et perdu par de nombreuses lignées, ou si c'est acquis indépendamment par de nombreuses lignées, on peut voir les choses de deux façons différentes. À vrai dire, à partir de l'ornithorynque, on ne peut pas dire quel est l'avantage, s'il y en a un, de cette qualité, qu'elle ait été acquise ou qu'elle ait été maintenue. Parce que dans les deux cas... ça implique que, de toute manière, ça n'est pas lié à des caractères défavorables, sinon ça aurait disparu. Mais le problème, c'est que, comme il n'y a pas de source dans la nature d'ultraviolet qui puisse permettre aux ornithorynques de se voir grâce à leur fluorescence, on est vraiment perplexe selon la signification de ce caractère. Mmh. L'un des auteurs de l'étude a expliqué dans le New York Times à la question justement, quelle utilité cela peut-il avoir ? Il a confié, il répond, honnêtement, nous ne savons pas. Donc au moins, comme ça, les choses sont claires. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas qu'à la lumière UV qu'on examine ces animaux, également au rayon X, comme à la plateforme ASTRX du Muséum National d'Histoire Naturelle, où vous êtes rendu, Céline Lozen, ce reportage du jour. Bonjour. Bonjour Nicolas, oui, en scannant les crânes de spécimens sous rayon X, il est possible d'en voir la structure osseuse. Alors ici, on s'intéresse à l'oreille de l'ornithorynque, ou bien de son cousin l'échiné, car il s'agit de l'organe de l'audition, mais aussi celui de l'équilibre. L'analyse des radiographies osseuses permet de mieux expliquer le comportement de ces espèces fouisseuses, d'expliquer comment elles creusent leur terrier et couvent leurs petits, par exemple. Marta Bellato, responsable de la plateforme ASTRX du Musée, et Sandrine Ladvez, chercheuse en paléobiologie, ont de cette manière pu modéliser très précisément l'oreille à partir de ces clichés à très haute résolution. Les échidnés, ornithorynques, marsupiaux et placentaires, ce sont les mammifères actuels. La biodiversité actuelle, elle nous montre tout un échantillon de formes et d'écologies. Donc chez l'actuel, moi ce qui m'intéresse, c'est d'étudier toutes ces écologies et de voir si une spécialisation, une adaptation s'imprime sur l'os. En l'occurrence, moi je suis très intéressée par les structures internes au crâne et notamment l'oreille, puisque l'oreille c'est l'organe de l'audition et de l'équilibre et ça peut nous indiquer comment vivait l'animal ou se déplacer. Et le rayon X, ça nous permet d'aller à l'intérieur du crâne, accéder, pas à l'organe puisqu'il a disparu, mais à l'os qui le contenait. Et donc, on peut accéder à la cavité qui reflète la forme, la structure de cet organe qui a disparu. Oui, alors déjà, les rayons X, c'est juste le type de faisceau qu'on utilise pour étudier ce genre d'objet, d'intérêt. Et en particulier, ici, on fait de la tomographie rayon X. Alors, le CT scan, que c'est ce type de machine, est composé par un tube à rayon X, un plateau tournant où on va positionner l'objet. C'est ce qu'on voit juste derrière vous. Oui, c'est ce qu'on voit exactement. Donc on a sur la droite les tubes, l'objet qui est au milieu entre les tubes et le détecteur. Ce qui tourne dans ce cas, parce qu'on est sur, on utilise une machine qui est pas médicale, c'est donc l'objet et pas le système tube détecteur. Et Et puis, à côté, il y a tout un système d'ordinateurs qui nous permet de pouvoir commander la machine de l'extérieur, parce que ce sont des rayons X, donc il y a tous les éléments principaux sont dans une cabine plombée pour nous protéger. Et l'ordinateur, en fait, on en a deux. Un, c'est pour commander la machine pour la partie d'acquisition. Et le deuxième, c'est pour reconstruire les images et puis éventuellement le traiter. Alors, une fois qu'on a fait les enregistrements, qu'on obtient les clichés, comment on arrive à les interpréter, à en faire de l'anatomie comparée entre espèces ? Alors, une fois qu'on a toutes ces coupes, comme l'a dit Martha, c'est un millier de coupes qui nous permettent de vraiment scruter tout l'intérieur de notre objet, eh bien, nous, on va importer toutes ces images sur un logiciel dédié qui nous permet d'avoir les trois plans. Et on a l'objet 3D de l'organe virtuel du passé ou de l'actuel, ça dépend si on s'intéresse à des animaux actuels ou du passé. Alors, parce qu'on peut regarder justement de plus près à quoi ressemble cette oreille de... Alors oui, dans un premier temps, je vais vous faire visiter l'intérieur du crâne de l'ornithorynque, par exemple. C'est le spécimen que j'ai ici. Donc là, c'est une image de tomographie à rayon X. Donc c'est une découpe. Il y en a des milliers. Là, hop, on peut se balader. Tout est compilé. On commence, hop, là vous voyez, c'est le début du bec de l'ornithorynque. Hein, je vous rappelle, cet animal, il a un bec qui ressemble à un bec de canard. Hop, là, donc on voyage dans le bec de l'ornithorynque. Alors, le bec de l'ornithorynque, il est constitué d'une partie en os, mais il est recouvert de peau. C'est du cuir, hein, c'est pas du tout de la corne. Hop, donc là, on voyage, on voit les narines. Et là, alors, là, en fait, vous voyez l'intérieur de l'os. Là, notamment, tous les turbinaux, la région du nez, les toutes petites lamelles osseuses qui constituent les turbinaux de l'appareil nasal. Et là, on arrive à l'arrière du crâne, dans la zone d'intérêt. Hop, ici, on a un os très, très, très, très dense, donc plus blanc que le reste. C'est l'os de l'oreille, tout à fait, l'os pétreux, qui est très dense. Et cet os, il contient, alors là, vous voyez ce qui est très noir, les ronds très noirs à l'intérieur de l'os. Ce sont des canaux qu'on peut suivre, des canaux qui se regroupent. Hop, là, il y en a deux qui sont regroupés. Ça, ce sont ce qu'on appelle les canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Et ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne notre vide, notre canal, on le suit sur toutes les coupes, et ensuite, on reconstitue en trois dimensions ce qu'on a sélectionné, l'oreille interne de l'ornithorynque qu'on a ici. Alors, on a la structure en trois dimensions de ces canaux semi-circulaires et de la cochlée. Tout ça, ça constitue l'oreille interne, la cochlée qui contenait l'organe de l'audition, et les canaux semi-circulaires qui sont les organes de l'équilibre. Ils sont au nombre de trois chez les mammifères. Donc vous les voyez ici. Et donc nous, dans l'étude que j'ai menée, on s'est intéressé particulièrement à ces canaux semi-circulaires. Pour les étudier, pour les comparer, ce qu'on a fait, c'est que sur les modèles 3D, des monotrèmes et des marsupiaux de mon étude, on a placé des points repères en trois dimensions qui résument la forme de la structure et la taille. Et donc du coup, ça nous donne des coordonnées dans l'espace. Ça, c'est quantitatif. On peut les comparer en faisant des analyses statistiques multivariées et voir si on a un message. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. On essaie de voir si on a des groupements d'espèces. Donc, ça, c'est les résultats d'analyse en composantes principales et d'analyse discriminante que je vous montre. Donc, c'est un graphe. Donc, c'est un graphe. Et on a des paquets qui sont ou avec des points très nombreux. Les points représentent des espèces, ici, chacun des points. Les couleurs, ça représente les affinités phylogénétiques, les liens de parenté. Ce qui est en gras, ce sont les espèces fouisseuses. Donc ça, c'est ce qui manque à l'analyse. Je ne peux pas vous dire pour l'instant où se trouvent les monotrèmes dans cette analyse. Mais voilà, en gros, la démarche qu'on fait. Ça, c'est un fossile qui a été retrouvé dans un terrier qui se retrouve juste à côté de la taupe marsupiale. Donc ça confirme bien qu'il vivait sous terre. Voilà l'analyse du crâne des monotrèmes et de l'ornithorynque en particulier. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Pascal Tassi ? Oh ben c'est merveilleux. Une promenade avec son de la Devèze à l'intérieur du crâne de l'ornithorynque, c'est formidable. Mais vous voyez, cette plateforme, elle est extrêmement performante. C'est l'un des joyaux du muséum. Peut-être pourrait-on parler maintenant d'une autre caractéristique, peut-être on le disait tout à l'heure, la plus impressionnante, la plus étonnante de l'ornithorynque, c'est cette faculté d'électroperception. Gilles Boeuf, est-ce que vous pouvez nous raconter, puisqu'on a été à l'intérieur du crâne de l'ornithorynque, de savoir comment ça marche et qu'est-ce que c'est exactement que cette électroperception ? Moi aussi, j'écoutais comme Pascal, ces systèmes, ces scanners-là de crâniens sont absolument fabuleux. C'est des outils tellement chouettes parce qu'en plus, on ne détruit pas le fossile, hein, on regarde à travers et on l'utilise. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on a découvert effectivement dans le crâne, il est petit, l'encéphale de l'ornithorynque, il est petit, il est lisse, mais il y a une partie importante qui est dédiée justement à ce fonctionnement de ce qu'on appelle le bec, hein, depuis tout à l'heure, et qui est bourré de récepteurs très sensibles. En fait, ils sont extrêmement sensibles à des mouvements. Ce qui veut dire, dès qu'on bouge, effectivement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Des insectes sur le fond. Alors, je vais revenir tout à l'heure à mon histoire de compétition avec les saumons et les truites, vous allez voir. Mmh. Eh bien, chaque fois qu'on bouge, on crée, effectivement, on modifie un champ électrique qu'il perçoit très bien. Et il va aller comme ça vers sa proie. Et justement, quand on avait créé une compétition entre les truites et les ornithorynques, ça s'est pas produit parce que, et c'est pareil en France. Quand vous regardez une rivière française, les saumons mangent les larves du fond, les truites mangent les larves de plein eau. Et bien heureusement pour l'ornithorynque, c'est pas des saumons qu'ils ont mis dans ces rivières, mais des truites. Et alors, une anecdote pour vous montrer comment l'ornithorynque s'est un peu, pas vengé, mais a utilisé ça, c'est un gros mangeur d'œufs de truites maintenant. Hein. L'ornithorynque va chercher les truites introduites depuis 150 ans, et il bouffe les œufs de truites sur le fond. Donc ces organes-là sont extrêmement utiles pour trouver vite à manger et aller directement sur l'endroit sur lequel il va s'alimenter. Mais cette électroperception, Pascal Tassi, donc il n'y a pas que les ornithorynques, je crois que c'est dans l'ensemble du groupe des monotrèmes, c'est quand même assez rare dans le règne animal, je crois, comme faculté. Alors on le retrouve à d'autres endroits, peut-être vous le disiez, ou c'est Gilles Boeuf qui le disait, mais d'une manière complètement différente chez certains poissons. Oui, en fait, des électrorécepteurs, on les connaît. Ils font partie d'un système très très ancien chez les vertébrés. Mais là, les récepteurs de l'ornithorynque et de l'échidnée n'ont pas la même origine embryologique. Donc, ce sont, si vous voulez, des inventions de monotrèmes. Alors, les récepteurs sont beaucoup plus nombreux chez l'ornithorynque. Hein. Il y en a des... je crois qu'ils sont alignés en tout le long du bec. Il y a quelques dizaines de milliers. Il y en a 10 fois moins chez les échidnés. Mais enfin, ces caractères ces dispositifs sont restés présents. Et justement, on peut revenir sur le mode de vie de l'ornithorynque, qui est donc un prédateur très très actif. Hein, comme le disait Gilles Boeuf, il bouffe tout le temps, donc il cherche tout le temps ses proies et il plonge régulièrement. Alors il reste de 1 minute en moyenne, parfois 3, au fond de l'eau pour chercher ses proies, ses larves notamment. Et il utilise tout ce qui est à disposition au niveau de la perception des champs électriques très très légers qui viennent de ses proies. Et également, il capte les variations de pression liées au mouvement. Mmh. Et donc, il est très performant et il ne se sert pas de ses yeux et de ses oreilles quand il est sous l'eau. Mmh. C'est donc un choix de stratégie, c'est une stratégie de chasse tout à fait singulière et absolument admirable. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ferme ses yeux, il ferme également ses narines puisque donc il respire avec des poumons. Et donc en fait, si j'ai bien compris ce système, Pascal Tassin, il y a ces doubles organes sensitifs, à la fois l'électroperception d'un côté et la mécanoperception de l'autre, qui fait qu'il perçoit des ondes de manière légèrement décalée, ce qui lui permet de repérer en fait ses proies sous l'eau sans aucun autre organe sensoriel. C'est bien ça? Exactement. C'est fascinant. Je trouve ça absolument fascinant. Bon, on va avancer. Il y a autre chose dont on parlait tout à l'heure, Gilles Boeuf, qui est assez formidable, c'est que effectivement, une fois que les œufs ont éclos, la femelle ornithorynque va allaiter, mais elle allaite sans mamelle. Voilà, en fait, c'est très primitif. Il n'y a pas de mamelon. Le lait suinte, en fait, sur la glande. Hein. Bon, faut voir que, tout à l'heure, on l'a dit aussi, mais très rapidement, lorsque la fécondation a lieu selon la région. Hein, c'est tout début du printemps en Tasmanie, donc novembre, hein, mais c'est en août, plus au nord de l'Australie, là où il fait chaud, bien sûr. Et donc, la femelle s'isole dans un terrier qu'elle va creuser avec ses pattes, ses grosses pattes antérieures avec ses membranes qu'on évoquait tout à l'heure. Ça peut faire 8-10 mètres. Hein. Et donc là, elle va s'isoler. Et là, la thermorégulation va jouer un rôle important en thermorégulation de comportement. Par exemple, dans le terrier, quand il fait très très froid l'hiver, il fait bien plus chaud que dehors, et c'est l'inverse l'été. Le terrier, il va toujours être assez bien régulé en température, et c'est très important pour les petits. Ils naissent extrêmement petits. Hein. On parlait des marsupiaux tout à l'heure, c'est vraiment des préments incroyables, hein, ces bestioles. Hein. Et donc là, effectivement, elle va les allaiter pendant plusieurs semaines, hein, avant qu'ils commencent, effectivement, elle va les sortir du terrier et les mettre dehors. Et on s'est rendu compte aussi que dans ces zones particulières de terrier profond, bah, l'oxygène est rare, effectivement. Hein. Et donc, ils ont aussi une hémoglobine très, très particulière, hein, qui est extrêmement affine vis-à-vis de l'oxygène, ce qui permet à ces petits, dans des zones qui sont presque hypoxiques, hein, en tout cas, pas anoxiques, mais hypoxiques, de trouver l'oxygène dont ils ont besoin. Et il y a quelque chose, il y a une étude australienne de 2018 qui a repéré, et ça aussi, ça n'est pas la moindre des particularités ou des singularités de l'ornithorynque, que dans le lait des ornithorynques, il y a une protéine avec une configuration et une conformation totalement nouvelle et qui a des propriétés antibactériennes extrêmement puissantes, Pascal Tassi. C'est encore une innovation propre aux monotrèmes qui ne sont pas donc totalement primitifs, même si effectivement les glandes mammaires, qui sont d'ailleurs très nombreuses, hein, on peut parler d'un champ mammaire, sont très très actives, et les petits récupèrent le liquide laiteux qui suintent le long des poils de l'ornithorynque à partir de ses glandes. Et effectivement, si on reprend l'idée de niveau d'évolution différent pour certains caractères, donc là vous avez un lait qui a une spécificité particulière, un lait antibactérien si vous voulez, associé à un système de production du lait extrêmement simple et qui va se compliquer, se transformer chez les marsupiaux avec l'apparition de la tétine où la bouche du petit dans la poche d'ailleurs est fixée sur la tétine pour justement absorber le lait, et ensuite la mamelle gonflée qui est spécifique au placentaire. Donc en fait on a une très très belle série de transformations montre l'amélioration, si l'on veut, si tant est que chez les placentaires, les mamelles sont plus performantes que chez les marsupiaux. Je précise que ce qui a attiré l'attention des chercheurs autour de cette protéine nouvelle découverte dans le lait des ornithorynques, c'est que en fait, elle a, comme je vous l'ai dit, une conformation inédite et qui ne correspond à aucune forme d'action antibactérienne connue par ailleurs. Et donc, il y a vraiment des recherches très importantes, parce que vous connaissez évidemment le problème de notamment l'antibiorésistance, et que il pourrait y avoir une solution à l'antibiorésistance via le lait des ornithorynques, ce qui n'est pas la moindre des surprises. Un dernier mot pour conclure, en quelques mots, Gilles Boeuf, aujourd'hui, où en est-on de la préservation de cette espèce ? Est-ce qu'elle est encore, est-ce qu'elle est menacée ou est-ce qu'elle est encore abondante ? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre. Elle est classée en possible dérangement par l'UICN. Elle a été à un moment menacée parce qu'on l'a chassée beaucoup. Hein. En fait, il le mangeait pas, mais il chassait pour la fourrure. Et il y a même des gens qui par sport tuent des ornithorynques. Maintenant, il est protégé partout. Ce qu'on a essayé, c'est de l'implanter un petit peu ailleurs. Ça a pas vraiment marché. Il y en a très peu dans les eaux en extérieur de l'Australie. Il y en a uniquement dans un seul zoo américain. On a vu que le reproduire en captivité, c'est pas évident, c'est pas facile. Je disais qu'il faut faire attention, c'est clair aujourd'hui. Mais à mon avis, ce qui le menace, c'est comme partout ailleurs, hein, c'est la pollution des rivières, bien évidemment, aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas de prédateurs, en fait. Hein. On l'a vu pas mal nocturne. Non, c'est vraiment une question aujourd'hui de faire énormément attention à l'environnement dans lequel il se trouve. Et puis, bien sûr, de le regarder comme la prunelle de ses yeux. C'est tellement génial, une bestiole comme ça à côté de chez soi, qu'il faut absolument le garder, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Gilles Boeuf, merci Pascal Tassi d'être venu nous parler de ce superbe, fascinant et incroyable ornithorynque. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique qui n'est pas biofluorescente, quoique. Natacha Triou, François Malordine, Naomi Naguette Saint-Ville, Francine Lezen et Vétienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation. Et Sylvain Latthieu aujourd'hui à la technique. Demain, nous allons retracer une histoire heureuse, mais une histoire qui se finit mal. C'est l'histoire d'un géant qui vient de s'effondrer direction Porto Rico, où nous parlerons des 57 ans de service du télescope géant d'Arecibo. On en parle donc demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.